Isis Revival. Petite Isis, pâle en son linceul dessiné à l'encre des glaïeuls, chrysalide éphémère altérée de colère. Que mes lèvres se posent aux pétales de ta rose, goûter à ta rosée mi-désaltérée. Puis, vertige de ton puits, je tombe aérien, délétère, contre ton sein alexitaire. Tu me sauves, je gis, guimauve entre tes griffes d'amphiptère, esclave consentant à ces terres. Évanouis ta colère, brisez le teint de ta mémoire, un phénix scélère a lavé l'encre noire.